Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi, comme d'habitude. Et toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis, je sors de la chambre, je bois mon café comme d'habitude. Seul, je suis en retard, je pense à toi comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout écrit dehors comme d'habitude. J'ai froid, je me lève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Oui, comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, mais pas encore rentré, non, comme d'habitude. Seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude.